إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 47 dans les explications du livre de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, et on est dans le chapitre du jeûne, Kitab al-Siyam. Et aujourd'hui donc on va expliquer Babun fi bayani ahkam al-qada'i al-siyam. Donc on va expliquer les règles qui ont rapport avec le fait de reprendre les jours de jeûne qu'on a manqué. Donc le cheikh il dit, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر البقرة ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته ويستحب أن يكون القضاء متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه ويجوز له التأخير لأن وقته موسع وكل واجب موسع في وكل واجب موسع يجوز التأخير يجوز وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا ولكن إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر إلى ما إلى بعد ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر لقول عائشة رضي الله عنها ما يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. Donc le cheikh il explique, il dit que celui qui a brisé son jeûne, c'est-à-dire qu'il a cessé de jeûner dans le ramadan, il a brisé son jeûne pour une raison qui est permise, comme les excuses ou les raisons qui sont acceptées selon la charia et qui permettent à quelqu'un de cesser de jeûner, comme par exemple la raison d'une maladie ou des choses de ce genre, ou le fait qu'on voyage, ou des choses comme ça, comme on a expliqué dans les cours précédents, ou bien à cause d'une cause qui est interdite, comme par exemple celui qui a annulé son jeûne, soit parce qu'il a eu des rapports sexuels en plein jour, ou bien qui a, par exemple, qui a mangé ou bu quelque chose en plein jour de Ramadan. Donc ça annule son, ça brise son jeûne pour cette journée-là, et il doit reprendre cette journée qu'il a manquée. Donc pour ces gens-là, on appelle ça les jours qu'ils reprennent. En arabe, on appelle le terme qu'on utilise que les ulama utilisent lorsqu'ils parlent de cette question-là, ils l'appellent al-qada, c'est-à-dire de reprendre des jours qu'on a manqués ou bien dans lesquels on n'a pas pu compléter la journée. Donc, dans ce cas-là, on doit faire al-qada, c'est-à-dire on doit reprendre ces jours-là par la suite, après le ramadan. Le cheikh, il dit que c'est recommandé de le faire, le qada, le plus vite possible, hein, al-mubadara, c'est-à-dire le faire le plus vite possible pour, disons, enlever cette obligation-là de nos épaules et pour être, pour dire que t'as rempli ton devoir et ton obligation a été réglée, ta dette a été réglée. Wa yustahabbu, et c'est aussi recommandé de faire le qada, de faire les jours qu'on reprend à la suite, l'un à la suite de l'autre, hein, mutatabi'an. Parce que, en principe, les jours que tu reprends doivent correspondre ou doivent être faits de la même façon que l'obligation elle-même lorsque c'est le temps de le faire. Mais le cheikh, il dit, si tu le refais pas immédiatement, si tu reprends pas les jours immédiatement, dans ce cas-là, tu dois avoir, la ferme volonté de le faire. Même si tu le fais pas tout de suite, tu dois avoir la ferme volonté de le faire et c'est permis de retarder. C'est-à-dire, c'est recommandé de le faire le plus vite possible et de le faire tout de suite et à la suite, un à la suite de l'autre. Toutefois, c'est permis de le retarder. En particulier si le temps est large. C'est-à-dire, si tu as beaucoup de temps, tu as du temps avant que ce soit la fin de, ou avant que ce soit le début de l'autre ramadan, il reste encore beaucoup de temps, hein, donc dans ce cas-là, c'est permis de le retarder. Toute obligation dans laquelle il y a un temps qui est, disons, plus vaste, c'est-à-dire qu'il y a plus de lousse dedans, dans le sens que, comment je pourrais dire, dans le sens que il y a entre la limite du temps dans la, ou l'échéance, hein, du temps est assez large, donc dans ce cas-là, tu as le droit de le retarder, d'accord, mais il faut que tu aies par contre la ferme volonté de le faire et la ferme c'est ça, la ferme volonté, la ferme détermination de le faire dès que tu as la capacité de le faire. Et c'est permis aussi de reprendre les jours séparément, c'est-à-dire de pas les reprendre un à la suite de l'autre, mais de les reprendre séparément, comme quelques jours, un jour après tu laisses un espace et un autre, et donc pas obligé de les faire un à la suite de l'autre, mais c'est quelque chose de recommandé de le faire un à la suite de l'autre pour le faire le plus vite possible. Après, le cheikh, il dit, et c'est permis, ah oui, il dit, mais par contre, s'il reste uniquement un petit temps, où il reste seulement quelques jours, ou bien le mois de Sha'ban, par exemple, le mois qui vient avant le Ramadan, s'il reste seulement le mois de Ramadan, s'il reste uniquement le mois de Sha'ban pour reprendre les jours qui te manquent, et dans ce cas-là, c'est obligé de les reprendre un à la suite de l'autre, selon le consensus des musulmans, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de temps, il ne reste plus beaucoup de temps. Et le cheikh, il dit, c'est pas permis de retarder, ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر. C'est pas permis de retarder après l'autre ramadan. C'est-à-dire, si tu as manqué des jours d'un ramadan, là tu as laissé toute l'année passer, puis l'autre ramadan est arrivé, puis tu laisses ces jours-là que tu as manqué de l'autre ramadan après, pour les refaire après l'autre ramadan qui arrive, donc là, ça, c'est pas permis, excepté pour une excuse valable et légale. Le cheikh, il dit, Aïcha, radiyallahu anha, elle a dit, j'avais des jours du ramadan à reprendre, mais j'étais pas capable de les reprendre, excepté dans le mois de Sha'ban, parce que, à cause des droits que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait sur moi. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le cheikh, il dit que ça prouve que le temps est très large pour le temps dans lequel on doit, ou l'échéance dans laquelle on doit reprendre les jours du Ramadan est très très large, jusqu'à ce qu'il ne reste que Sha'ban, hein, ou bien jusqu'à ce qu'il reste que des jours de Sha'ban qui correspondent au nombre de jours que tu dois reprendre. Dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi de les reprendre avant l'entrée du nouveau Ramadan. Cheikh dit فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. Le cheikh il dit, si une personne a retardé de reprendre les jours qu'il avait manqué jusqu'au nouveau Ramadan, donc il doit jeûner le nouveau Ramadan qui arrive, et les jours qu'il n'avait pas fait, il les reprend après ce nouveau Ramadan-là. Puis ensuite, il regarde, est-ce que c'était pour une excuse valable qu'il a retardé ou qu'il n'a pas pu refaire ces jours-là avant la venue du nouveau Ramadan? Si c'était pour une excuse valable et acceptable, dans ce cas-là, il ne fait que reprendre les jours qu'il avait manqué et qu'il n'avait pas fait après le nouveau Ramadan, après qu'il aura terminé le nouveau Ramadan. Mais si c'était pas pour une raison valable ou pour une excuse valable, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de non seulement reprendre les jours qu'il a manqués après le nouveau Ramadan, mais il doit nourrir pour chacun de ces jours-là qu'il a manqué un pauvre et la quantité de la moitié d'une sa' de la nourriture qui est mangée dans ce pays-là. Et sa', on a expliqué que c'est quatre poignées de main collées de nourriture, et donc la moitié de ça, ça fait deux. Donc il doit donner à le nombre de pauvres pour chaque jour qu'il a manqué la moitié d'une sa'. إذا كان وإذا كان أو وإذا مات وعليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه لأن له تأخير في تلك الفترة التي مات فيها وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا وإن كان تأخير لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بعد بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. Le cheikh il dit que si quelqu'un est mort alors qu'il avait une dette, qu'il est mort avant l'entrée, c'est-à-dire qu'il avait une dette dans le sens qu'il n'avait pas repris les jours de jeûne qu'il devait reprendre avant la venue du nouveau Ramadan, donc dans ce cas-là, il n'a rien, hein, il n'a rien à, c'est-à-dire il n'y a rien à payer, hein, pour lui, parce que il a retardé les jours qu'il devait reprendre durant la période dans laquelle il avait le droit de retarder ces jours-là, puis il est mort dans cette période-là. Donc il n'a rien à payer, il n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour lui par rapport à ces jours-là qu'il n'avait pas fait, parce qu'il est mort avant la venue du nouveau Ramadan. Mais s'il meurt après l'entrée du nouveau Ramadan, dans ce cas-là, les jours qu'il n'avait pas refait avant la venue du nouveau Ramadan et qu'il ne les avait pas repris à cause d'une excuse valable, comme par exemple qu'il était malade durant toute cette période-là, ou bien qu'il avait voyagé constamment, donc il n'avait pas pu reprendre ses jours de Ramadan avant l'entrée du nouveau Ramadan, dans ce cas-là, il n'y a rien pour lui non plus à payer. Il n'a rien non plus à payer, puisque il a une excuse valable pour ne pas reprendre ces jours-là. وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ C'est-à-dire, si par contre il a retardé de reprendre les jours qu'il avait manqués pour sans excuse ou sans bonne raison islamique, dans ce cas-là, il doit, on doit payer pour lui l'expiation pour les jours qu'il n'avait pas fait. Et ça, ça doit être pris de l'argent qu'il laisse, de qu'est-ce qu'il a légué après ça, qu'est-ce qu'on trouve après sa mort. On fait sortir l'argent pour nourrir les pauvres selon le nombre de jours qu'il devait reprendre, et on paye avec cet argent-là la nourriture de la moitié d'une sa' pour nourrir les pauvres le nombre de jours qu'il a manqué. Et ça, c'est quand il avait retardé ces jours-là sans excuse. Après, le cheikh il dit « وَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمُ كَفَّارَةٍ كَصَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالصَّوْمِ الْوَاجِبُ عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ وَلَا يُصَامْ عَنْهُ ويكون الإطعام من تركته فإنه لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة وكذا بعد الموت وهذا هو قول أكثر أهل العلم. Le cheikh il dit que si il meurt, cette personne, et qu'il a un jeûne expiatoire à faire, c'est-à-dire un jeûne qui a pour but d'expier une faute ou un péché ou quelque chose de ce genre, comme une expiation qui est exigée par la charia pour une contradiction à la charia quelconque ou pour un péché quelconque. Donc, comme par exemple lorsque quelqu'un a fait az-zihar, hein, il a dit par exemple à sa femme, ton dos est comme le dos de ma mère ou quelque chose comme ça. Ça, c'est les formules de la jahiliya, comment ils divorçaient avant l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour les gens qui font ça qu'ils doivent jeûner 2 mois consécutifs. Donc, le cheikh il dit que s'il meurt la personne alors qu'il doit payer ce genre de kafara, ou bien qu'il doit reprendre وَالصَّوْمُ الْوَاجِبُ عَنْ دَمِ الْمُتْعَى فِي الْحَجِّ, comme par exemple quelqu'un qui doit, par exemple, jeûner des jours obligatoires à cause du hajj, parce que par exemple dans le hajj il a fait tamattu mais il n'a pas sacrifié une bête, dans ce cas-là il doit jeûner 3 jours dans le hajj et 7 jours lorsqu'il revient. Donc s'il n'avait pas fait ces jours-là, il doit, dans ce cas-là, quelqu'un doit nourrir le nombre de pauvres qu'il a nourri par rapport au nombre de jours qu'il devait jeûner. Et on ne peut pas le jeûner pour lui. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire, bon, puisqu'il ne les a pas jeûnés, je vais les jeûner à sa place. On ne peut pas faire ça. Il faut que ce soit lui qui les jeûne, mais puisqu'il est mort, maintenant, il ne peut plus les jeûner. Donc, on doit plutôt payer pour nourrir un nombre de pauvres par rapport, qui correspond au nombre de jours qui lui restait à jeûner de ces jours-là, et l'argent qu'on va le prendre de ce qu'il a laissé comme bien pour payer cette chose-là, parce que c'est un jeûne dans lequel il ne peut pas y avoir de représentation dedans, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas jeûner à ta place dans ces choses-là par rapport à ça, pour un vivant, tu ne peux pas jeûner pour quelqu'un de vivant, et tu ne peux pas jeûner non plus pour quelqu'un de mort, hein? Et ça, c'est la position de la plupart des ulama. Wa in mata wa alayhi sawm nazrin istuhibba li waliyhi an yasuma anhu lima thabata fi sahihay an imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم والولي هو الوارث. Ok, donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim encore. Le cheikh il dit que si quelqu'un avait un jeûne qui est relié à un vœu à faire, en sorte que quelqu'un avait fait un serment ou un serment ou bien avait fait un vœu pieux de faire quelque chose avec un qui est relié à un serment et que la personne par exemple a brisé son serment. Donc elle doit jeûner et donc puisqu'elle doit jeûner, c'est recommandé dans, si par exemple la personne est morte alors qu'elle avait ce jeûne-là à faire, dans ce cas-là c'est recommandé pour un de ses héritiers de jeûner à sa place. Dans ce cas-là, oui, dans le cas du nadr, qu'est-ce qu'on appelle un nadr. Et ça c'est à cause d'un hadith qui prouve ça dans Al-Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim, qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, ma mère avait fait un nazr, hein, elle avait fait un nazr, et donc c'était obligatoire pour elle de jeûner. Est-ce que, oui c'est ça, donc parce que des fois aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'elle a fait un nazr, elle a fait un vœu que si la chose qu'elle avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala est exaucée, elle allait jeûner un nombre de jours, par exemple. Donc, si cette chose-là s'est exaucée et qu'elle est morte sans faire son vœu, sans faire ce qu'elle avait fait comme vœu, dans ce cas-là, c'est comme une dette qui est sur elle. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il lui a dit que oui, dans ce cas-là, tu dois jeûner à sa place pour elle. Et ça, c'est dans le cas du nadr, comme j'ai dit. Son héritier a le droit de jeûner pour elle. Donc, ensuite de ça, le cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, le cheikh Fawzan, il mentionne une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il dit, « قال l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد وغيره. والمنصوص عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها ومقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين أما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال كما لا تدخل الصلاة والشهادتين فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلى عنه غيره. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit qu'on doit jeûner pour le nadr, s'il y a un nadr, et que c'est autre que qu'est-ce qui est obligatoire, comme par exemple le jeûne obligatoire dans l'islam. C'est ça, tu peux jeûner pour le nadr pour quelqu'un d'autre quand il est mort. Et ça, c'est la position de l'imam Ahmad et d'autres. Et c'est ça ce qui est rapporté selon Ibn Abbas et Aïcha radiallahu anha. Et ça c'est établi par la preuve et par le qiyas. Et une des différences entre le jeûne obligatoire de l'islam les jeûnes obligatoires et le nadr, c'est que le nadr il n'est pas obligatoire à la base de la charia, par la base, mais c'est le serviteur ou l'être humain qui se l'est obligé, qui l'a rendu obligatoire pour lui-même en faisant son serment ou en faisant le vœu. Donc c'est devenu comme une dette. Puisqu'il est mort sans l'avoir payé, donc quelqu'un a le droit de le payer à sa place et c'est donc un des héritiers qui va devoir régler ce vœu-là après sa mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler ça à une dette. Après, le cheikh, il dit, si, par exemple, c'est تأمى الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء. Donc le cheikh dit, en ce qui concerne le jeûne qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala en partant, au départ ça a été obligé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le jeûne qui fait partie des cinq piliers de l'islam, comme le jeûne du Ramadan, ça, quelqu'un ne peut pas jeûner à ta place, ce jeûne-là. C'est comme la prière et le shahadatain. Quelqu'un ne peut pas dire shahadatain pour toi. Quelqu'un ne peut pas prier pour toi, c'est toi-même qui dois le faire. Et le but de ça, c'est que l'être humain obéisse à Allah en faisant ces choses-là pour lui-même et par lui-même, qu'il le fasse par lui-même. Et parce que ça fait partie des droits de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ce but-là qu'il a été créé et ça lui a été ordonné et commandé. Donc quelqu'un ne peut pas le faire à sa place et personne ne peut prier excepté pour lui-même, et yani, il doit le remplir ce devoir-là lui-même. Ensuite, il cite une autre parole de l'imam Ibn Taymiyyah qui mentionne la même chose. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطعم عن كل يوم مسكين وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر فإن النذر كان ثابتا في الذمة فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت أما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه بل أمر العاجز بالفدية طعام المسكين والقضاء إنما على من قدر عليه ولا لا على من عجز عنه فلا يحتاج إلى أن يقضى أحد عن أحد أو فلا يحتاج أن يقضي أحد عن أحد أما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. Donc c'est ça ici le cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne en principe la même chose que qu'est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné de qu'est-ce qu'on a dit. D'accord. Donc ensuite il y a le chapitre qui vient ensuite, qui est le dernier chapitre dans le livre de As-Siyam. باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, donc ce chapitre maintenant, باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne qui a brisé son jeûne à cause de l'âge ou à cause d'une maladie, hein, parce que la personne c'est une personne qui est âgée ou qui est malade, qu'est-ce qu'elle doit faire? On va expliquer maintenant qu'est-ce que le cheikh a dit. Inna Allah subhanahu wa ta'ala awjaba sawm ramadan ala al-muslimin ada'an fi haqqi ghayri dhawi al-a'zar wa qada'an fi haqqi dhawi al-a'zar alladhina yastati'un al-qada fi ayyamin ukhar wa hunaka sinfun thalith la yastati'un as-siyam ada'an wa la qada' kal-kabir wal-haram wal-marid alladhi la yurja bur'uhu. فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا, رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في مرضه في حكم كبير فيطعم عن كل يوم مسكينا. الشيخ dit que Allah سبحانه وتعالى a ordonné de jeûner durant le mois de Ramadan pour les musulmans. Donc les gens qui jeûnent, ils vont jeûner soit pour mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils n'ont pas d'excuse, et lorsqu'ils ont une excuse, c'est-à-dire une raison valable selon la charia pour ne pas jeûner durant ces jours-là, eh bien ils vont reprendre les jours dans lesquels ils n'ont pas jeûné, ils vont les reprendre par la suite Et ça, c'est quand ils sont capables de reprendre les jours par d'autres jours qui vont venir par la suite. Mais il y a une troisième catégorie qui ne sont pas du tout capables de jeûner, ni durant le ramadan, ni après, c'est-à-dire ni de reprendre les jours par la suite. Et c'est comme par exemple la personne qui est devenue très vieille, hein, et la personne qui est malade d'une maladie dont elle ne pourra pas guérir à l'avenir, c'est-à-dire une maladie qui continue, qui demeure avec elle. Et cette catégorie-là, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé l'obligation pour eux. Et il a ordonné, au lieu de jeûner pour eux, c'est de nourrir pour chaque jour un pauvre. C'est la quantité de nourriture de nisf sa', c'est-à-dire la moitié d'une sa', c'est-à-dire deux grosses poignées collées de nourriture, deux grosses mains collées de nourriture qu'on doit donner à des pauvres. Pour chaque jour qu'on a manqué, on donne à un pauvre la quantité de la moitié d'un sa'. Et la preuve de ça, c'est le hadith, le ayah dans le Coran, le verset 286, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne met pas sur quelqu'un ou sur une âme une charge qui est trop lourde pour elle ou qu'elle ne peut pas porter. Et il mentionne aussi le verset 184, dans Surat al-Baqarah, qui dit « وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ » C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas jeûner, ils doivent, comme compensation, nourrir un pauvre. Et Ibn Abbas, il a mentionné, d'après ce que le Cheikh dit ici, que ça s'est rapporté dans Al-Bukhari, dans le Tafsir, Ibn Abbas a dit « c'est le vieux, la personne âgée, homme ou femme ». Qui ne peuvent pas jeûner, alors ils nourrissent pour chaque jour un pauvre. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, comme j'ai dit. Et également, le malade qui n'espère pas guérir, parce qu'il a une maladie qui demeure. Et donc, celui-là, il est dans la même catégorie que la personne âgée. Et donc, il doit nourrir pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné un pauvre. أما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا لا يرجى زواله والحامل مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على والديهما والحائض والنفساء فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. Donc le cheikh ici, il dit que en ce qui concerne la personne qui a brisé le jeûne pour à cause d'une excuse qui demeure pas, c'est-à-dire une excuse qui est temporaire, comme par exemple le voyageur, hein, ou bien le malade qui a une maladie, mais c'est une maladie qui est courte et qui va cesser ou qui va terminer. Dans ce cas-là, ou bien par exemple, le cheikh, lui, il mentionne deux catégories ici, la femme enceinte et la femme qui allait, et il dit si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leur bébé, dans ce cas-là, ou bien la femme qui a ses règles ou qui a les écoulements postnataux après l'accouchement, ceux-là, le cheikh il dit que ceux-là ils doivent reprendre les jours après le ramadan. Il dit que c'est la preuve, c'est le verset 185 dans Sourat al-Baqarah, et celui qui est malade ou en voyage, alors il reprendra les jours par la suite, donc il reprendra par d'autres jours par la suite après le ramadan. Toutefois, il y a un point ici, comme le cheikh il a mentionné, c'est que la question pour la femme qui allait et la femme qui est enceinte, le cheikh il mentionne une position parmi les positions des ulama, mais cette position, bien entendu, c'est une position qui est basée sur une ijtihad, et il y a une autre position qui est mentionnée des ulama dans laquelle il est expliqué que la femme enceinte et la femme qui allait, elles n'ont pas à reprendre les jours qu'elles ont manqués, mais elles vont uniquement reprendre, elles vont uniquement nourrir un pauvre pour les jours qu'elles ont manqués. Et ça, c'est rapporté selon Ibn Omar, et c'est rapporté avec d'autres chaînes de narrateurs également, et même il y a un hadith aussi mentionné à ce sujet-là. وَوُضِعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْدِعَ الصَّوْمِ. Ça, c'est un autre hadith qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le jeûne a été enlevé, l'obligation du jeûne a été enlevée pour la femme enceinte et pour la femme qui allait. Et ça, c'est rapporté dans Sunan Abi Dawood, selon Ibn Abbas, avec une chaîne authentique. Donc, il y a la preuve dans ça, que c'est pas obligatoire pour la femme qui est enceinte ou la femme qui allait de reprendre les jours qu'elle a manqués. Ça, c'est juste un point que je voulais mentionner là-dessus, parce que la position à ce sujet-là, il y a eu différentes ijtihadat entre les ulama. Toutefois, les preuves qui montrent que c'est pas obligatoire pour elle de reprendre les jours, c'est quand même assez clair là-dessus. Wallahu a'lam. Et après, le cheikh dit: وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة قصر الصلاة سنة لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر. أي فلينظر فليفت أي فعدة من أيام أخر أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. Donc le cheikh dit que le malade qui pour qui la maladie pour qui le malade pour qui le jeûne lui nuit ou lui fait du mal ou du tort, et le voyageur qui a droit de raccourcir sa prière à cause du voyage, et ben pour ces gens-là, de ne pas jeûner, c'est sunnah. Hein, le malade pour qui le jeûne lui fait du tort, et le voyageur qui a le droit de raccourcir la salat, c'est une sunna pour eux de ne pas jeûner. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet fa'iddatun min ayyamin ukhra, c'est-à-dire ils refont le jeûne dans d'autres jours, ils reprennent les jours qu'ils ont manqués, ils les remplacent par d'autres jours qu'ils vont faire après le Ramadan. Ay falyuftir wa liqdi 'adad ma aftarahu, c'est-à-dire qu'ils brisent le jeûne, puis ils vont reprendre les jours qu'ils ont manqués, qu'ils ont mangé durant les jours durant lesquels ils ont mangé. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر, Allah subhanahu wa ta'ala il dit il veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas donné le choix entre deux choses, excepté qu'il a choisi la plus facile des deux. Comme c'est mentionné dans As-Sahihayn, il a dit « Laysa min al-birr as-siyam fi as-safar ». Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la plus facile des deux. Ça s'est rapporté selon Abu Huraira dans Al-Bukhari et Muslim, et le hadith qu'il mentionne après dans As-Sahihayn, dans Al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la piété de jeûner durant le voyage, parce qu'il y a des gens qui veulent se rendre l'adoration difficile ou qui veulent se rendre la vie difficile, et donc ils croient que de jeûner durant le voyage c'est quelque chose qui amène plus de piété, et donc c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que des gens ont fait ça et ils sont tombés sans connaissance durant le voyage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet Oulaïka al-usat, ceux-là sont ceux qui ont désobéi, ceux-là sont ceux qui ont désobéi parce qu'ils n'ont pas pris la permission de briser le jeûne alors qu'ils avaient cette permission. Ensuite le cheikh il dit وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومه ما مع الكراهة. Le cheikh il dit que si le voyageur ou le malade pour qui le jeûne est difficile décide de jeûner, alors leur jeûne est accepté, toutefois c'est quelque chose qui est détestable pour eux de faire ça. Après le cheikh il dit أما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح. Le cheikh il dit que c'est interdit pour la femme qui a ses règles et les femmes qui ont les écoulements après avoir fait leur accouchement de jeûner. C'est interdit pour ces femmes-là de jeûner lorsqu'elles ont leurs règles et lorsqu'elles ont des écoulements après l'accouchement. Et même si elles jeûnent, ça ne sera pas accepté d'eux. Donc c'est interdit de jeûner et c'est pas accepté. Après le cheikh il dit والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر ويجب مع القضاء على أن أفطر على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته نعم عن كل يوم أفطرته. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على والديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة الإطعام مقام الصيام. أي نعم يعني أداء يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما. نعم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que pour la femme qui allait son enfant et la femme qui est enceinte, le cheikh il dit que c'est obligatoire pour ces deux-là de reprendre les jours qu'elles n'ont pas jeûné par d'autres jours. Si vous vous souvenez bien, je viens d'expliquer tout à l'heure, j'ai expliqué qu'à ce sujet-là, il y a des divergences d'opinion et différences d'ijtihad. Et on a mentionné des hadiths et des paroles des sahaba pour montrer que cette position que le cheikh défend, elle n'est pas l'opinion qui est celle qui est la plus correcte ou la plus proche des preuves. Et on va donner d'autres exemples là-dessus, inshallah. Le cheikh il dit donc que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent reprendre les jours qu'elles ont manqués par d'autres jours par la suite. Et le cheikh il dit que en plus de reprendre les jours dans lesquels elle a mangé, si elle a mangé, elle a brisé son jeûne parce qu'elle a eu peur pour son enfant, non pas seulement pour elle, mais pour son enfant. Dans ce cas-là, elle doit en plus de ça nourrir un pauvre pour tous les jours qu'elle n'a pas jeûné. Et il mentionne par la suite les paroles de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, dans lesquelles il dit que Ibn Abbas a fait une fatwa, ainsi que d'autres parmi les sahaba, dans lesquelles il dit que la femme enceinte ainsi que la femme qui allait, lorsqu'elles ont peur pour leur bébé, elles doivent nourrir. Elles doivent briser leur jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour à la place du jeûne qu'elles ont manqué. Et on voit ici que le cheikh il mentionne cette parole qu'il a tirée de Zadul Ma'ad de l'imam Ibn Qayyim, qui mentionne en fait la position qu'on a mentionnée nous-mêmes auparavant, qui prouve que elles ne doivent pas reprendre les jours, mais elles doivent uniquement de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elles ont manqué. Toutefois, le cheikh, lui, par la suite, il dit, yani, il explique cette parole-là en ajoutant que, en plus, qu'elle doit reprendre obligatoirement les jours qu'elle a manqué. Donc, le cheikh, lui, il explique, il rajoute cette parole-là à la suite des paroles de l'imam Ibn Qayyim. Toutefois, comme on a dit tout à l'heure, cette position-là n'est pas celle qui est la plus correcte. Et juste pour vous donner plus de détails par rapport à ça, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'imam Ishaq ibn Rahouya et également une des narrations qui est rapportée selon l'imam Ahmad et aussi que c'est la position de l'imam Ishaq ibn Rahouya que la femme qui allait et qui est enceinte, les jours qu'elle n'a pas jeûné, elles doivent uniquement nourrir un pauvre et elles n'ont pas à reprendre les jours qu'elles ont manqués. Ça, c'est la position de Ishaq ibn Rahouya. C'est la position de une des narrations rapportées à ce sujet-là selon l'imam Ahmad. C'est la position de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Omar, de Saïd ibn Jubair et de Al-Qasim ibn Muhammad et également de Atta et de Ikrima, qu'ils ont tous eu comme position que la femme qui allait et la femme qui est enceinte, elles doivent, lorsqu'elles brisent leur jeûne, il n'est pas obligatoire pour elles excepté de nourrir un pauvre pour les jours qu'elles ont manqué, et c'est pas obligatoire pour elles de reprendre les jours qu'elles ont manqué. C'est pas du tout obligatoire pour elles de reprendre les jours qu'elles ont manqué. Peu importe qu'elles ont craint, qu'elles ont eu peur pour elles-mêmes ou pour leur enfant. Peu importe qu'elles ont eu peur pour elles-mêmes ou bien qu'elles ont eu peur pour la santé de leurs enfants. Et la preuve qu'ils ont ramenée pour ça, c'est ce qui a été rapporté que j'ai mentionné tout à l'heure du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa wudi'a 'an al-hamil wal-murdi' as-sawm, c'est-à-dire la femme qui est enceinte et la femme qui allait, elles ont été épargnées de l'obligation du jeûne, on a enlevé d'elles cette obligation là. Et le cheikh dans l'explication que j'ai tirée des paroles du cheikh Hamad ibn Abdullah dans le sharh de Zad al-Mustaqni, il explique ça, et puis il dit ils se sont basés sur la preuve qui dit que dans le hadith qu'on a mentionné que Allah a enlevé l'obligation du jeûne sur la femme enceinte et sur la femme qui allait. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh explique en disant que la preuve c'est que Allah a enlevé cette obligation là pour ces deux types de personnes, et il n'y a rien qui prouve que c'est obligatoire pour la femme de reprendre ses jours qu'elle a manqué, puisque Allah subhanahu wa ta'ala leur a enlevé cette obligation là comme le voyageur, lorsque le voyageur est en voyage, au lieu de prier 4 rak'at pour les prières qui ont 4 rak'at, il va uniquement en prier 2, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé l'obligation pour les voyageurs de faire 4. Et il n'y a aucune preuve qui montre qu'ils doivent faire les 4. Les deux rak'at qu'ils ont enlevés lorsqu'ils sont en voyage, il n'y a rien qui prouve qu'ils doivent les refaire ou qu'ils doivent les faire. Et donc, d'après le hadith qu'on a mentionné, on voit que Allah a enlevé cette obligation-là, et il n'a pas mentionné qu'elles doivent reprendre les jours qu'elles ont manqués. De plus, il a été rapporté par l'imam Dharqutni avec une isnad qui est sahih selon Ibn Omar et Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et ils ont dit, Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, ils ont dit que la femme enceinte et la femme qui allait, ils brisent leur jeûne et elles ne reprennent pas les jours qu'elles ont manqués. Et il a été aussi rapporté selon Ibn Omar d'une façon qui est très claire à ce sujet-là, par Muammar dans son Jami', il dit, ça c'est rapporté par l'imam Ibn Abdul Barr dans Al-Istidkar avec une isnad qui est authentique selon Ibn Omar, qui dit que Ibn Omar a dit que la femme enceinte, lorsqu'elle craint pour elle-même, elle brise son jeûne et elle nourrit un pauvre. Mais elle ne reprend pas le jour qu'elle a manqué. Et donc ça, c'est clair à ce sujet-là. Puis, donc, c'est juste pour montrer que ça, c'est certaines des explications qui ont été données par les ulama à ce sujet-là. Et également, lorsqu'on observe la situation dans la réalité, c'est que lorsqu'une femme elle est enceinte, elle brise son jeûne parce qu'elle a peur pour sa santé ou pour la santé de son bébé. Donc, ça veut dire qu'elle va manquer peut-être le mois du Ramadan au complet. Puis, par la suite, elle va accoucher. Donc, pendant ces 40 jours, en principe, elle ne va pas jeûner encore. Ensuite de ça, elle va allaiter probablement le bébé. Et durant l'allaitement, elle ne va pas jeûner, bien entendu, pour pouvoir avoir du lait pour son bébé. Donc, encore là, ça va faire encore 2 ans dans lesquels elle ne va pas jeûner. Donc, c'est très difficile par la suite si elle veut reprendre les jours de Ramadan. Ça veut dire qu'elle va manquer peut-être 3 Ramadans de suite. Et donc, pour les reprendre, ce serait très compliqué. Et non seulement si elle retombe enceinte encore une fois par la suite, ça va être encore difficile. Donc, Yani, on voit que la position, cette position-là qu'on a mentionnée, est non seulement supportée par des preuves beaucoup plus convaincantes, des paroles des Sahaba et du hadith qu'on a mentionné, et également des preuves même dans les exemples de la réalité qui montrent que dans l'application, elle est plus en accord avec les références. Donc c'est ça. Et après le cheikh dit ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. قال الإمام ابن القيم وأسباب الفطر 4: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل ومثله مسألة الغريق. Donc le cheikh il explique ici que c'est obligatoire pour quelqu'un de briser son jeûne s'il a besoin d'aller sauver quelqu'un et que cette personne-là risque de périr. Comme par exemple quelqu'un qui est en train de se noyer, hein, dans ce cas-là c'est permis pour la personne qui va aller la sauver de briser son jeûne. Le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné que parmi les causes ou les choses qui permettent de briser le jeûne, elles sont 4 causes. La première, c'est le voyage. La deuxième, c'est la maladie. La troisième, c'est les menstruations. Et la quatrième, c'est la crainte si une personne va périr ou va se noyer ou quelque chose comme ça, eh ben pour aller la sauver, si tu crains que la personne va se noyer, donc tu peux briser ton jeûne pour aller la sauver. Man yukhsha alayhi al-halak bis-sawm kal-murdi' wal-hamil. Comme quelqu'un qui craint de mourir à cause du jeûne, comme par exemple la personne qui est qui allait ou bien qui est enceinte, elle craint de périr elle-même ou son enfant, ou bien quelqu'un qui va se noyer, il a besoin d'aller le sauver dans l'eau. Donc, ça c'est l'exemple. Le cheikh dit « ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم منه ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. أما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصوم من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. Le cheikh dit maintenant, en ce qui concerne la dernière partie de ce chapitre, il dit que c'est obligatoire aux musulmans d'avoir une intention spécifique de jeûner, le jeûne obligatoire à partir du soir même, de la nuit même, avant le lever de l'aube. Ça c'est en particulier pour le jeûne obligatoire, comme par exemple le jeûne du Ramadan ou le jeûne pour expiation d'une faute ou d'un péché, ou le jeûne qui est fait à cause d'un serment, d'un nadr. Et c'est-à-dire, comme le cheikh explique, il doit croire qu'il jeûne pour le Ramadan, pour le mois de Ramadan, ou bien pour reprendre un jour parmi les jours du Ramadan, ou pour un jeûne qui a rapport avec un serment qu'il avait pris, ou bien une expiation. Donc il doit avoir une intention spécifique pour chacun de ces jeûnes-là qui sont obligatoires à partir du soir même, avant de se coucher. Il dit le cheikh, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les actions ne sont récompensées que selon leur intention, et que chaque personne aura comme récompense ce qu'il a eu comme intention, par rapport à ce qu'il a eu comme intention. Et aussi, ça c'est rapporté comme par Al-Bukhari et Muslim, et aussi le hadith rapporté selon Aïcha qu'il mentionne, c'est un hadith qui est rapporté selon yani Hafsa, qui est rapporté par An-Nasa'i et également par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et dans ce hadith il dit que celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant le lever de l'aube, alors il n'a pas de jeûne. Et le cheikh il dit que donc c'est obligatoire d'avoir l'intention du jeûne obligatoire à partir de la nuit. Et le cheikh il dit que celui qui a fait l'intention de jeûner le jour minan nahar min ayna c'est ça. Donc le cheikh il dit que celui qui a eu l'intention de jeûner mais pendant la journée, comme par exemple quelqu'un qui s'est réveillé après le lever du soleil puis il n'a rien mangé, puis qui a eu l'intention de jeûner, c'est pas accepté, ça sera pas accepté s'il jeûne, excepté si c'est un jeûne volontaire. Si c'est un jeûne obligatoire, c'est pas permis pour lui de jeûner ce jour-là, ou ça sera pas compté pour lui comme un jeûne obligatoire, et ce sera pas valable pour lui, parce que tu peux pas faire un jeûne obligatoire durant la journée, quand la journée est déjà commencée. Comment ça veut dire, tu peux pas avoir une intention de faire un jeûne obligatoire durant la journée, alors que la journée ou que l'aube est déjà levée. Hein? Ça, c'est uniquement permis de faire ça pendant pour un jeûne volontaire. Parce que dans le jeûne obligatoire, c'est obligatoire de jeûner toute la journée. Et l'intention, elle ne peut pas aller pour qu'est-ce qui est le passé. Pour le passé. C'est-à-dire, ton intention est valable juste pour l'avenir et non pas pour le passé. Une fois que la chose est passée, comme le jour s'est levé maintenant, mais là, ton intention, elle peut pas aller par en arrière. Elle va juste par en avant. C'est-à-dire vers l'avenir et non pas vers le passé. Mais il dit, si c'est un jeûne qui est volontaire, c'est-à-dire qui est pas obligatoire, tu le fais comme ça, volontairement, nafila, dans ce cas-là, c'est permis de jeûner avec une intention, même si la journée est déjà commencée. Ça c'est prouvé par le hadith qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré une fois et il a demandé, est-ce que vous avez quelque chose, c'est-à-dire est-ce que vous avez quelque chose à manger, et ils ont répondu, Aïcha et les femmes ont répondu non, on n'a rien à manger. Alors il a dit, dans ce cas-là je jeûne. Ça c'est rapporté par Al-Jama'a, excepté Al-Bukhari. Donc c'est rapporté par Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Donc ça prouve que dans ce hadith on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est levé et il n'avait pas l'intention de jeûner au début, mais il a demandé est-ce qu'il y avait de la nourriture. Puis quand il a entendu qu'il n'y avait pas de nourriture, donc il a décidé de jeûner. Et donc, il y a la preuve là-dedans que c'est permis de retarder l'intention du jeûne lorsque c'est un jeûne volontaire. Et on voit que cette preuve vient, montrer la permission dans ce cas spécifique-là, contrairement aux autres preuves qui montrent que cela était interdit. Donc les preuves qui montrent que c'est interdit, c'est dans les cas généraux, dans les jeûnes obligatoires, et cette preuve est en particulier dans les jeûnes qui sont des jeûnes volontaires, non obligatoires. Après le cheikh il dit wa shartu sihhati as-sawm an-nafl bi niyatin min an-nahar an la yujad qabla an-niyya man unafil as-sawm min aklin aw shurbin. Toutefois, il y a une condition pour que le jeûne du volontaire que tu as fait avec une intention à partir de la journée ou après le lever de l'aube, eh bien, il y a une condition pour que ce soit valable. Et cette condition-là, c'est qu'il n'y ait pas eu d'intention, c'est qu'il n'y ait pas eu rien qui vient annuler le jeûne avant que tu aies pris ton intention ou avant que tu aies eu l'intention. C'est-à-dire que tu n'aies pas rien mangé ou bu avant d'avoir eu l'intention de jeûner. Et toutefois, si tu as bu ou si tu as mangé avant d'avoir eu cette intention-là, après le lever de l'aube, dans ce cas-là, le jeûne n'est pas accepté et il n'y a aucun désaccord des savants à ce sujet-là. Donc ça, c'est la fin de ce chapitre. Et donc, on a terminé maintenant le chapitre du jeûne. Et Inch'Allah, donc cette semaine, on va commencer le chapitre à propos du Hajj, Kitab al-Hajj. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.